soudain, en deçà de tout, je glisse vers le point d'inexistence de chaque objet. Le moi, une étiquette. Parallèle à mon visage, je me mire dans mes regards. Chaque chose est autre, tout est autre. Quelque part, un œil. Qui m'observe? J'ai peur, et puis je suis extérieur à ma peur. Hors des instants et hors du sujet que je fus, comment m'affilier au temps? La durée se momifie, le devenir est devenu. Plus aucune parcelle d'air où respirer, où crier. Le souffle est nié, l'idée se tait, l'esprit fut. J'ai traîné tous les oui dans la boue, et ne colle pas plus au monde que l'anneau au doigt du squelette. La mélancolie qui vient, qui coule, qui vous enfonce tout doucement, qui vous enroule, qui vous blottit, qui vous protège des ouragans. La mélancolie qui vient, qui cogne à la porte si souvent que l'on s'y abandonne, que l'on se roule même dedans. La mélancolie de nos meilleures années, nos compagnes, nos conneries ne doivent pas un jour s'oublier. Nos mélancolies se mélangent, mon ange, s'en mêlent dans nos vies de petits blancs, dans tous ces souvenirs d'école et de tout le tremblement. La mélancolie comme une anomalie qui démolit tout doucement, qui vous demande, qui vous explique qu'on n'est plus des enfants. La mélancolie qui coule de source, qui colle au corps et qui vous crée des putains d'emmerdements. La mélancolie. Bonjour Constantin Zaharia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir sur les chemins de la philosophie pour ce dernier temps de cette série autour de Cioran. Vous êtes docteur de l'EHESS de Paris, vous êtes l'auteur d'une thèse sur Cioran, sur la mélancolie et l'écriture fragmentaire. Nous avons vu cette semaine que Cioran était souvent désespéré, souvent drôle, parfois féroce. Mais pourquoi mélancolique? Comment le terme de mélancolie est-il le prisme le plus fécond pour nous introduire à sa pensée? D'abord parce que Cioran en parle très souvent de mélancolie, surtout dans ses cahiers, mais non seulement. Le fragment que vous venez de citer, qui est tiré de La tentation d'exister, en est un excellent exemple, même si le mot mélancolie n'est pas prononcé. Il est question de désespoir, de temps qui s'immobilise, il est question d'une durée qui se momifie, il n'y a plus de souffle, etc. Tout cela est dû à ce qu'on peut appeler mélancolie, mais la mélancolie est un immense sujet. Si voilà, c'est pour ça qu'on a 50 minutes pour en parler. Il commence au 5e siècle avant l'ère chrétienne et il perdure aujourd'hui encore sous différentes formes. Donc Cioran est un mélancolique et je dirais qu'il est à la manière aussi des anciens, c'est-à-dire que mélancolie vient du grec mélénakolé qui signifie humeur noire. Or cette humeur noire, elle est dénoncée par Cioran à maintes reprises dans ses cahiers, surtout dans ses cahiers, en disant par exemple que cette humeur noire est celle qui vient par exemple du fait que le soleil brille trop et qu'il y a trop de lumière et que lui il ne supporte pas la lumière. C'est un paradoxe, évidemment, mais pour lui, le soleil est fournisseur en idées noires, tout simplement. D'autres fois, il parle de l'amertume des entrailles, de la logique du fiel. Il parle du fait que la mélancolie ne saurait cesser qu'avec notre sang. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de humoral dans la conception même de Cioran sur la mélancolie. Pour les anciens, c'était une humeur qui était responsable de maladies graves, disons, dont la folie, de différents ulcères et qui pouvaient se manifester de manière différente. L'aphorisme 6.23 d'Hippocrate dit que si la crainte et la tristesse perdurent, il s'agit d'un état mélancolique. Mmh. Donc crainte et tristesse, ce sont des éléments qui définissent la mélancolie. Donc à cette époque-là, pour bien comprendre, vous parlez d'Hippocrate, justement, oui. La mélancolie est une maladie et ce sont des données anatomiques qui la définissent. Tout à fait. C'est l'une des quatre humeurs, c'est-à-dire il y avait dans le système médical de l'époque la croyance que l'état de santé était défini par l'équilibre des humeurs. Et à côté de la mélancolie, il y avait le sang, la bile jaune et le phlegme. Et le mélange de ces humeurs pouvait conduire à des déséquilibres. Et quand la mélancolie se mêle, c'est-à-dire l'humeur noire s'en mêle et qu'elle est surabondante, il s'agit d'un type mélancolique qui se manifeste par différents mots, dont la folie, différentes formes de délire ou tout simplement la tristesse. Ce qui est intéressant, c'est que l'humeur noire est l'humeur la plus instable de toutes. C'est-à-dire que naturellement elle est froide et sèche, mais elle peut se chauffer à l'excès. D'où cet état de fureur qui définit le mélancolique également, non seulement la tristesse, mais aussi la fureur. On part de la fureur mélancolique des Platons pour désigner exactement l'esprit orienté vers la créativité, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui se fait d'emblée entre la mélancolie et la création, et c'est pas d'ailleurs sans lien avec Cioran lui-même. C'est Aristote, je crois, qui dresse une typologie des comportements qui s'interroge sur la raison pour laquelle ceux qu'il appelle les génies, les grands esprits, sont tous des mélancoliques. Oui, le péritos, c'est-à-dire l'homme d'exception. Ils sont tous mélancoliques, effectivement, à commencer par les philosophes, mais aussi il cite les héros comme Ajax, Bellérophon, Ulysse. Il cite aussi les artistes. Hein. Voilà, donc l'homme d'exception est mélancolique. Cela ne signifie pas que tout mélancolique est un c'est homme d'exception. C'est ça, il ne suffit pas d'être mélancolique pour être un génie, Il faut quelque chose de plus. C'est-à-dire que l'homme de génie, disons, est mélancolique parce que chez lui, il y a un bon équilibre, une bonne disposition, une bonne diathèse de l'humeur noire. Qu'est-ce que c'est une diathèse ? C'est la disposition, c'est-à-dire que il y a un mélange qui se produit entre les humeurs, et même là où elle est prédominante, cette humeur noire, elle est capable de donner dans l'excès une performance exceptionnelle. Et pourquoi est-elle noire ? C'est une image ou c'est le sang observé à ce moment-là? Voilà, ça peut être le sang, si vous voulez digérer. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas soutenir que la mélancolie existe comme chez les anciens. C'est clair, c'est le produit d'une rêverie scientifique, qu'on dirait Bachelard. Ouais. Voilà. Et c'est autour de cette rêverie que se constitue d'abord tout un discours médical. Ensuite, un discours philosophique, qui est celui d'Aristote, effectivement, que vous avez mentionné dans le problème 30, paragraphe 1, et qui continue sous différentes manières au début de l'ère chrétienne et qui se produit, qui revient en force à la Renaissance, avec Marcille Ficin, par exemple. C'est ça, et on peut penser notamment à la gravure de Dürer, qu'on cite absolument beaucoup aujourd'hui quand on parle de mélancolie, on voit cet homme qui se repose, qui est assis. C'est un ange. Voilà, mais après quand on l'observe de près, on voit qu'il a des ailes, mais d'abord parce qu'on s'identifie immédiatement, on voit cet homme qui semble le regard un peu perdu. Oui. Et alors quand on regarde le tableau de près, on voit qu'il y a un globe, qu'il y a des instruments de géomètre, etc. Et ça correspond au moment où on redécouvre, on reparle à nouveau de mélancolie, c'est ça, depuis l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on n'a pas pas cessé de parler de mélancolie, sauf que elle fonctionne dans un autre type de discours. Il y a au Moyen-Âge toute une série d'images qui circulent, qui décrivent les quatre tempéraments. Le mélancolique, le flegmatique, le colérique, etc. Et parmi ces quatre tempéraments, celui qui représente le mélancolique propose l'image la plus négative, si vous voulez. Le mélancolique, il a le teint terreux, il est avare, il se détourne des hommes, etc., etc. Or, ce que fait Durer, c'est quelque chose de très, très différent. C'est-à-dire qu'il part de cette iconographie de la mélancolie au Moyen-Âge, mais il inclut dans sa gravure une autre représentation qui est celle du type de la géométrie. En fait, le mélancolique qu'il représente, la mélancolie qu'il représente, est la conjonction et la fusion, si vous voulez, de deux types, celui de la géométrie et de la et du mélancolique. Donc là, avec Durer, on sort du registre purement médical. Absolument, absolument, tout à fait. Bien sûr, vous avez raison de le souligner parce que, à part Aristote et les lettres du faux Hippocrate, dont on parlera peut-être tout à l'heure, le discours sur la mélancolie reste le plus souvent cantonné dans le territoire de la médecine. Mm-hmm. Même Marcel Fissin qui écrit... trois livres de la vie et qui parle de mélancolie souvent, il est un médecin en fait, lui-même. Mais c'est vrai qu'il accorde une valeur supérieure à la mélancolie. Or, il n'y a pas apparemment d'influence de Fissin sur Durer. Durer, donc, il représente quoi ? Quelqu'un qui est assis sur une sorte de terrasse, qui est entouré d'objets, on dirait abandonnés, mais qui servent à mesurer, à peser. Il y a une balance, il y a un équerre, il y a des tenailles, un marteau, des choses qui servent à construire. Or, les analystes, ceux qui ont analysé cette gravure, sont parvenus à la conclusion qu'en fait, il s'agit de la représentation du type de l'artiste. Le personnage de la mélancolie dans cette allégorie, c'est en fait un architecte. Mmh. Et c'est un architecte qui a perdu le sens de la création, qui s'abandonne à une tristesse profonde qui est un tout petit peu dénié par le regard extrêmement éveillé. C'est ce que j'allais vous dire, c'est un regard intense, noir. Extrêmement intense. Et pour le coup. Il y a aussi le visage noir, qui est l'attribut du mélancolique. C'est pour ça, il n'est pas dans l'ombre. C'est son visage qui est noir parce que le teint terreux est spécifique du mélancolique. Et il est extrêmement éveillé, c'est-à-dire que il questionne sa création, son travail. Il est à la recherche de quelque chose, mais il se trouve dans une impasse. Mmh. Et en fait, ce qui se passe dans ces gravures, c'est que tous les attributs, si vous voulez, qui l'entourent, tous les objets, tous les phénomènes qui se manifestent, sont tous en lien avec la mélancolie telle qu'elle était conçue à l'Antiquité, au Moyen-Âge et à la Renaissance. On a presque tous les éléments en main pour parler de la mélancolie chez Suran. Peut-être encore un point sur aujourd'hui, tout ce que vous venez de dire de la mélancolie dans l'Antiquité et puis ensuite à la Renaissance, à cette gravure de Durer qui date de 1514, qu'on va mettre sur le site des Chemins de la Philosophie, parfait. Comme ça les auditeurs pourront la regarder. Oui. Aujourd'hui, quand on parle de mélancolie, il y a quelque chose de presque attirant. La mélancolie est douce, la mélancolie, on la définit comme un vague à l'âme, auquel on aime bien se référer parce qu'on se sent, il y a comme une solidarité des mélancoliques. Le groupe de ceux qui, parfois, en ont un peu marre d'exister. Mais ce n'est pas la violence dont vous parlez. Non, c'est vrai. Là, il s'agit d'une idée assez récente sur la mélancolie qui est due au romantisme, disons. Alors, c'est vrai que, disons, Suran, il a quelque chose à voir avec le romantisme. Mm. Mais ses liens avec le romantisme sont très subtils. Il n'appartient pas du tout à ce courant, cela est clair, et il vient à l'écriture en quittant le champ de la philosophie. Quoi de mélancolique apparemment chez lui ? Bon, même s'il en parle, on se pose la question. Cette mélancolie douce qu'il évoque parfois et auquel il se sent très attaché, au point de dire à un certain moment qu'il s'est exercé à la mélancolie presque professionnellement, en s'y adonnant tous les jours, qu'il la considère comme son devoir quotidien. C'est un métier chez lui. Voilà, oui, c'est, on dirait que c'est un métier. Ben, c'est aussi lié au fait qu'il y a aussi ce vague à l'âme, cette rêverie douce qui s'appelle aussi mélancolie, mais qui n'est pas la mélancolie des anciens, qui n'est pas non plus la mélancolie de Dürer. Parce que ce qui compte finalement pour Suran, à mon avis, c'est le fait que la mélancolie le pousse à l'écriture. Je vous propose qu'on écoute un texte de Suran où il parle de son rapport à la mélancolie, comme ça on pourra bien comprendre en quoi elle se distingue de ce que vous venez de dire. S'il ça vous va? Oui. Voici le texte lu par Denis Podalydès. Soit coquetterie, soit passion, j'ai toujours porté un amour indu à la mélancolie. Il me suffisait de la sentir poindre en moi pour qu'aucune réticence ne m'empêchât plus à m'y livrer corps et âme. Je l'ai aimée, je l'aime toujours, parce qu'elle n'est d'aucun âge, parce qu'elle n'a pas de rapport avec l'esprit et que, dû tout m'abandonner dans ce monde, elle me resterait encore fidèle. De plus, elle n'a rien de moderne, elle est de toujours comme de nul temps. Puis, mérite plus grand encore, elle est compatible avec tous nos états, aussi bien liée au plaisir qu'au chagrin, à la volupté qu'à la sécheresse. Elle est l'ombre secrète de tout ce que nous vivons. Elle est inscrite dans les prémices de la vie. Je l'ai toujours connue, en toute rencontre, comme une présence invisible et imminente qui n'attendait qu'à se manifester et à me conquérir. Tout lui va et elle s'accorde à tout. Elle est comme la panse indispensable de tous nos actes et de tous nos sentiments. Vous riez, et si dans votre rire il y a un silence, ne fût-ce que d'une seconde, ce silence, c'est elle. Et c'est elle également qui remplit l'intervalle entre vos pleurs. Elle assure votre continuité à trouver l'intermittence de vos émotions. Je l'aperçois à propos de tout et de rien. Cependant, je ne saurais oublier qu'elle a ses instants à elle, parfois ses heures. Alors elle expulse de moi tout ce dont elle pourrait être le parasite, l'ombre ou l'esclave. Elle règne seule. Hégémonie chantante. Pour rien au monde, je n'aimerais m'y soustraire. Au contraire, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour en faire durer l'enjeu. Il ne m'est rien d'aussi doux que d'être sa victime, son sujet dévoué et bienheureux, son martyr voluptueux. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons d'Émile Suran cette semaine aujourd'hui de mélancolie. Et vous venez d'entendre ce texte magnifique lu par Denis Podalydès. Nous sommes en compagnie de Constantin Zaharia qui travaille sur Émile Suran, à qui il a consacré une thèse, notamment sur la question de la mélancolie. Dans le texte qu'on vient d'entendre, ce qu'on découvre, c'est que pour Suran, la mélancolie n'est pas une humeur, c'est une personne avec qui il vit une véritable histoire d'amour. Tout à fait, parce que ce qui se passe, surtout dans cet esprit romantique ou post-romantique, c'est qu'on adore son mal. On fusionne avec, on ne peut pas s'en débarrasser. À tel point que si la mélancolie disparaissait, mais aucune chance, si on l'a éprouvée une fois, on reste mélancolique jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, il dit à un certain moment, si vous avez été triste une seule fois, sachez que cette tristesse vous accompagnera jusqu'à la fin de votre vie. Mais c'est terrible. Oui. Je ne vais pas compter sur vous pour nous remonter le moral. Mais tristesse et mélancolie, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais la tristesse est la marque et le sentiment, si vous voulez, l'affect le plus fréquent chez les mélancoliques. Alors, ils sont tristes, ils sont pensifs, ils appuient leur tête sur la main gauche notamment, voilà, pas sur la droite mais sur la gauche. Ce que je suis en train de faire au moment où je vous parle, donc je change de position. Et cette posture qui est celle de la tristesse et de la détresse, on peut dire, est aussi celle de la réflexivité. On réfléchit parce que la pensée est elle aussi un poids et la tête doit s'appuyer sur une main quand l'idée arrive et quand l'acte créateur est en train de se produire. Voilà. Donc, et effectivement, ce texte de Suran est magnifique. D'une part, c'est une vraie poésie, mais en même temps, c'est très inattendu de sa part, parce que lorsqu'il parle de mélancolie, cette qualification positive, si vous voulez, de la mélancolie, elle n'existe presque pas dans ses cahiers. Il en parle de manière, je dirais pas très négative, mais comme d'un mal nécessaire qui l'accompagne et qui reçoit plusieurs pseudonymes. Il s'agit pas seulement de mélancolie ou de tristesse. Il y a d'autres termes qui s'inscrivent dans le même champ sémantique, si vous voulez. Parce que là, on est dans les cahiers, ça c'est important. Ce ne sont pas les textes publiés. Non, pas dans les textes publiés. Les cahiers, il écrit pour lui-même, c'est oui, ça? Oui, exactement. D'ailleurs, c'est un texte inédit que nous venons d'entendre. Oui, ça, c'est. Mais il ne fait pas partie des cahiers. Non, c'est ça. C'est... Alors, il y a les textes inédits qui ont été publiés. Voilà, celui-ci voilà. C'est inédit, inédit. Oui, inédit, tout à fait. Non publié. Tout à fait. Donc, c'est vous publié. Qui nous l'avez envoyé, donc je vous remercie. Oui. Donc, on ne peut pas le trouver, en avec fait. Plaisir. Non, il faut aller à Doucet pour. La bibliothèque Doucet. Tout à fait. Qui garde les manuscrits qui de Sioran. Garde les manuscrits de Sioran, là où se trouvent les cahiers. Voilà, ces manuscrits roumains des années 40. Et puis quelques centaines d'autres manuscrits en français qui abordent différents thèmes. Il y en a certains qui ont été publiés, par exemple dans le numéro Sioran des cahiers de Lerne, dans les exercices négatifs pour l'analyse des étapes préliminaires du précis de décomposition par Ingrid Astier. Mais voilà, il y en a encore énormément qu'on ne connaît pas. Et qui ne sont pas très étendus en tant que texte. Donc ce sont des notations parfois brèves, de quelques pages ou d'une demi-page, laissées comme ça, abandonnées. Il y a un texte absolument magnifique qui nous transporte déjà dans un autre territoire, si vous voulez, où il parle des livres injustes. Et il s'étonne en lisant, par exemple, du pape de Joseph de Maistre, en se demandant comment peut-on soutenir de telles énormités? Alors que Sioran, lui aussi, il est un peu dans cette même position. Oui. Mais il dit comment est-ce qu'on peut prendre la défense de l'Inquisition contre la Révolution, dit-il. Et il dit, en lisant cette apologie du pape, il dit, en lisant ce texte, j'éprouve le regret de n'avoir jamais porté de tiare. Voilà. Ce qui nous plonge dans autre chose, parce que c'est en fait une position ironique vis-à-vis de Joseph de Maistre. Ah bon ? Ben oui, il l'aime, il l'apprécie énormément, mais l'ironie, elle renverse complètement les rapports connus et les paradoxales, c'est-à-dire au sens propre du terme, elle est contre la doxa. Tout simplement, et voilà, Sioran nous parle aussi de lui-même en disant ça. Il dit, voilà, il y a un certain désir de grandeur, mais on ne sait pas s'il est sincère ou s'il est joué, tout simplement. Et alors justement, puisque vous parlez d'ironie, il y a une chose très importante qu'on n'a pas encore mentionnée et qui est sans doute indissociable de la mélancolie chez Sioran, c'est le rire. Ouais. Le rire qu'on a aperçu dans ce texte, hein, il dit « vous riez, et si dans votre rire il y a un silence, ne fût-ce que d'une seconde, ce silence, c'est elle ». Donc la mélancolie s'invite dans l'éclat de rire. Et puisque vous parliez des origines de la mélancolie dans l'Antiquité, il faut peut-être dire un mot du rire de Démocrite qui est si important. Tout à fait. Allez-y. Absolument. Mais en fait, il s'agit, comme vous le savez, d'un corpus apocryphe du début de l'ère chrétienne où il est question de Démocrite qui serait tombé malade. Et ce diagnostic est posé par ses concitoyens. Pour quelle raison? Parce que Démocrite rit de tout. Hein. Il rit, si quelqu'un meurt, il se met à rire. Si quelqu'un se marie, il se met à rire. Si tel événement se produit, il se met à rire. Et en plus de ça, il s'isole, il vit dans la solitude, à l'écart de ses citoyens, il ne veut voir personne. Évidemment, les Athéniens essayent de... Donc, les Abdéritains. Donc, les Abdéritains écrivent à Hippocrate pour lui dire « Viens sauver notre philosophe qui est atteint de folie. » Donc, Hippocrate s'y rend. J'abrège énormément parce qu'il y a des textes qui sont absolument magnifiques. C'est en fait une sorte de roman par lettre, hein, parce que toutes ces lettres sont écrites par Hippocrate, qu'il envoie à ses disciples de Kos en leur demandant de temps en temps de préparer telle potion, tel médicament, éventuellement pour traiter Démocrite, qu'il suppose déjà atteint d'un excès de bile noire. Voilà. Et donc, il s'y rend et il a un entretien avec Démocrite qui s'explique. Parce que lui, en tant que Hippocrate, en tant que médecin, il lui pose des questions. Et on sait bien que le dialogue dans le traitement médical à l'Antiquité, le dialogue philosophique, avait un rôle extrêmement important. Oui, c'était une thérapie. Bien sûr, c'était une thérapie. Ça marchait avec la thérapie. Parce que si le corps est malade, c'est que l'âme aussi est malade. Donc il faut traiter l'âme et le corps en même temps. Et tout cela relève de la conception philosophique, de la vision de la vie, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Démocrite ? Bah, il dit, en fait, moi je ris de la folie des hommes. Il est considéré comme fou par ses concitoyens, mais lui, s'il rit, il rit de la folie des autres. Parce qu'ils croient faire de bonnes œuvres alors que leurs actes sont dépourvus de sens. Ils amassent des fortunes alors qu'à leur mort, ils ne peuvent rien emporter, etc. etc., etc. Et face à ce discours, Hippocrate se considère non plus comme médecin, mais comme disciple. Il est complètement subjugué par le discours de Démocrite, par la raison qu'il a, et qu'il attribue à une super philosophie. C'est une philosophie qui nous dépasse, et il dit « j'emporterai avec moi votre enseignement ». Alors quel lien avec la mélancolie ? Le lien avec la mélancolie, c'est que... alors d'abord... intéressant, n'est-ce pas? Démocrite, il est dans sa résidence, dans sa maison, dans la cour, à l'ombre d'un platane, en train de disséquer des animaux pour trouver, quoi, la source de la folie. Et pour trouver la source de la folie, il est à la recherche de la bile noire. Voilà. Donc, folie et mélancolie vont ensemble. Mmh. D'autre part, il y a un jeu extrêmement subtil et subversif qui consiste à dire que éventuellement Démocrite se trouve dans un moment d'excès de bile noire, mais de l'excès de bile noire qui est théorisé, si vous voulez, par Aristote dans son problème. Et qui dit que il n'y a que les hommes de génie qui sont mélancoliques, voilà, et que cela apporte un savoir auquel les autres n'ont pas accès. Et d'autre part, on peut supposer également qu'il se venge contre les autres, qu'il y a une sorte de dérision vis-à-vis du monde dans lequel il vit, vis-à-vis de ses concitoyens, vis-à-vis de ce qu'il appelle la folie humaine. Donc, quand on parvient à un tel niveau de sagesse qui dépasse le niveau moyen, qui est une sorte d'extrémité de l'âme humaine, si vous voulez, on ne peut pas ne pas être mélancolique. On me dit souvent, malgré ce que vous écrivez, vous êtes un des hommes les plus gais. J'ai beaucoup ri, en effet, dans ma vie, mais cela ne prouve rien. Rire est un acte libérateur. Je viens de recevoir une lettre de Roumanie, d'un ami qui pense au suicide. Il me demande conseil. Je lui ai répondu, si tu ne peux plus rire, fais-le. Il était vraiment mal. Et s'il s'en est sorti, ce n'est pas par l'idée du suicide, c'est parce qu'il avait un sens profond du comique. Et je vais raconter une histoire drôle. Nous étions dans le métro. Qu'est-ce que nous y faisions? Je ne sais pas. Où allions-nous? Nous l'ignorions probablement nous-mêmes. Il adorait se promener comme ça. C'était pas loin d'ici, c'était... sur le métro qui passe sur le pont de Bir Hakeim, ligne 6. Et silence, on rêvassait. Puis à un moment, je sais pas s'il me prend, je lui dis, mais vous savez, Seurin, vous savez que je pense exactement le contraire de ce que vous pensez. Et pourtant, il n'y a pas une phrase que vous n'avez écrite à laquelle je ne souscrive complètement. Et il me répond, avec un accent qui m'appelle bien roumain, et j'ai toujours trouvé très, très roumain quand on parle ensemble. Et alors, répondant à ma remarque, et pourtant je souscris à tout, à chacune des phrases que vous avez écrites, il m'a répondu d'un ton navré, eh oui, mais c'est la vérité. C'était un personnage, c'était une haute figure qui transcende la philosophie, le pessimisme chic de certains, si vous voulez. Ne serait-ce que par son écriture. Et oui, quand le philosophe tragique et désespéré rencontre le philosophe de la joie, c'était le témoignage du philosophe Clément Rosset, qui était à ce micro en 2014, ouais. Figurez-vous à votre place ici, Constantin Zaharia, et qui donc raconte son amitié avec Cioran et ce lieu commun autour de Cioran. Tout le monde dit qu'effectivement, ses écrits étaient tristes, mais que lui était gay, et Rosset c'est souvent dit souvent l'inverse, que finalement c'est le philosophe de la joie et qu'il pouvait être parfois moins gay justement que Cioran. Il est assez intéressant de voir comment cette ressource de l'humour, au fond, aurait peut-être eu un rôle... Alors voilà, est-ce un rôle salvateur ou est-ce un tempérament chez Cioran? Comment est-ce que vous le comprenez, Constantin Zaharia? Ah, là, les choses sont un peu plus compliquées, je crois, parce que... Alors, on parle du rire, effectivement, et Cioran était quelqu'un de très gai en société. Hein. Il faisait tout pour amuser ses interlocuteurs. Même si après, il se fait des reproches en disant « mais je suis de nouveau, je me suis laissé prendre par la vanité, par mes concitoyens, etc. » Et il y a un moment dans l'entretien avec Léa Vergine où il parle du fait que la gaieté, il l'a dépensée dans sa vie. Et que ce qu'il a mis dans ses livres... c'est ce qui lui est resté. Mais il n'y avait plus de joie, plus de gaieté pour les mettre dans ses livres. Voilà. Et donc, on peut voir les choses dans un premier moment comme ça. Alors, je peux vous raconter une petite anecdote qui va de pair avec celle racontée par Clément Rosset. Et oui, c'est la vérité, avec oui. La voix d'un vieillard. Il l'imite, c'est très voilà. Bien d'ailleurs. Très bien. J'ai un ami qui a connu Cioran comme ça de manière très épisodique à la fin d'une représentation à l'Odéon. Et comme cet ami, il était un lecteur passionné de Cioran, lui dit à un certain moment, au cours d'une conversation qui se passe un peu dans les coulisses du théâtre, etc., il lui dit, mais vous, en fait, j'ai l'impression que chez vous, il y a beaucoup d'ironie. Et Cioran, il a l'air surpris, il se met un peu en arrière et il dit, ah, mais vous savez, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire pour une bouchée de pain ? ce qui fait basculer ouais, tout, si vous ouais. voulez. C'est-à-dire, il s'agit pas de joie et de gaieté, mais toujours d'une ironie qui est, je pense, omniprésente chez Cioran, dans tout ce qu'il a écrit, et même dans les phrases les plus graves. C'est l'arrière-plan, je dirais, de tout, parce qu'il en parle de temps en temps, en prenant une position qui est très ferme, et cela dès sa jeunesse, et qu'il, en fait, il la pratique même dans les choses qui sont extrêmement sérieuses, du type de la phrase qu'on a citée il n'y a pas longtemps dans votre émission, « Je ne suis pas toujours triste, donc je ne pense pas toujours ». Oui, c'est ça. Une sorte là, de renversement du cogito cartésien. Tout à fait. Là, je pense, donc je suis, mais je ne suis pas toujours triste, donc je ne pense pas absolument, toujours. Comme si la tristesse était l'origine de la pensée. Attendez, parce que le doute pour Cioran était déjà extrêmement important quand il dit ça. Il en parle énormément dans ses livres de jeunesse, il en parle énormément dans les cahiers, il en parle dans Le sceptique et le barbare de la chute dans le temps. Donc, il ne cesse de s'attacher au doute. Et en même temps, quand il dit la tristesse... qui est la condition nécessaire de la pensée, c'est un déni du doute. Mais ce n'est pas en fait un déni du doute, c'est un déni de Descartes. Et c'est compliqué, parce que Descartes lui-même se sert... Enfin, certains pensent que Descartes a une utilisation méthodique du doute, qu'il a besoin du doute pour avancer philosophiquement, que ce n'est pas un doute existentiel. D'autres pensent l'inverse. Donc ouais. C'est difficile de savoir si Cioran lui-même renverse le doute de Descartes ou Descartes doutant pour philosopher. Ouais. Ben oui, c'est l'une ou l'autre, mais je pense que la flèche est dirigée contre Descartes, en fait, et contre le cartésianisme. Ouais. Voilà. Et c'est une flèche qui est faite d'un bois très différent de celui dont est fait le doute. sachant que Descartes est allé, le lycée de Descartes, c'était la flèche, justement, ouais, l'espèce oui, de clin d'œil. On va l'entendre justement sur Seurat qui se... Alors, je ne sais pas s'il s'explique, parce que Seurat ne s'expliquait pas tellement sur sa pensée, mais qui distingue ce qu'on peut appeler le être nihiliste et être du côté de la négation, pour qu'on essaie de définir ensemble comment, de quel type de scepticisme est Seurat. Je ne suis pas nihiliste, je suis rien, vous savez, c'était difficile à dire. Je crois que j'ai des accès de nihilisme, vous savez, c'était difficile à dire. Est-ce qu'on peut dire de Bouddha qu'il est nihiliste? On ne peut pas, n'est-ce pas? On peut le dire, on peut... Je suis sûrement un négateur, n'est-ce pas? Mais même la négation, n'est-ce pas? C'est une négation, c'est pas une négation abstraite, donc un exercice. C'est une négation qui est viscérale, n'est-ce pas? Qui est donc une affirmation malgré tout, n'est-ce pas? C'est une explosion. Est-ce qu'une gifle est une négation? Donner une gifle, n'est-ce pas? Quelque chose. C'est l'affirmation, mais ce que je fais, c'est des négations qui sont des gifles, n'est-ce pas? Donc c'est des affirmations. Alors là, on va encore plus loin, Constantin Zaharia, pour essayer d'explorer ce lien entre mélancolie, doute et scepticisme, et vous l'avez entendu, négation. Seurat écrit beaucoup sur la négation, il a des phrases très belles, hein, où il dit qu'il est dans une espèce de... Il dit « j'ai inventé la négation sanglotante ». Au fond, cette formule rassemble le lien entre négation et mélancolie. Oui, tout à fait, absolument. Et je pense que l'esprit négateur qu'il est, je ne dirais pas non plus nihiliste, même, enfin, Seurat le réfute, mais il dit « je suis plutôt un négateur », n'est-ce pas? Cet esprit de la négation, il vient toujours de la mélancolie. Vous savez, il y a dans la psychiatrie du 19e siècle un syndrome qui a été diagnostiqué par un docteur qui s'appelle Jules Cotard et qui s'appelle le délire des négations. Et qui arrive dans certains cas de mélancolie anxieuse, dit Cotard. Et qui se manifeste par le fait que le malade nie tout. Mais on lui demande « quel est votre nom ?»« Je n'ai pas de nom. »« Qui sont vos parents ?»« Je n'ai pas de parents. »« Comment va votre cœur ?»« Je n'ai pas de cœur. » etc. On lui montre une fleur et on lui dit « ceci est une fleur. » Ce n'est pas une fleur. Donc c'est en fait une forme de délire, si vous voulez, chez certains mélancoliques qui consiste à nier tout jusqu'à l'existence du monde, de Dieu, de l'univers, tout ce que vous voulez, et qui va parfois de pair avec le sentiment d'éternité. Donc ce sont des gens qui soit ne peuvent pas mourir, soit ils sont déjà morts, mais ils continuent de vivre. Ah, c'est possible ? Dans ces cas cliniques, oui, c'est possible. Et je pense que la sous-éternité dont parle Seurat dans La chute dans le temps, là où il est question précisément de la chute du temps. Oui, il dit « je suis tombé du temps ». Je suis tombé du temps. Dans cette sous-éternité d'un temps immobilisé qui ne s'écoule plus, ça peut avoir, si vous voulez, des rapports avec l'immortalité mélancolique. Mais qui est une immortalité insupportable, finalement. Ah ben ça, il est très clair là-dessus, Seurat. Il dit autant la mort peut effrayer, autant l'éternité est absolument terrifiante. Absolument, oui. Ouais. Oui, parce que ce qui se passe, c'est que Seurat considère l'éternité depuis la perspective de tout un chacun, c'est-à-dire on est tous insérés d'une manière ou d'une autre dans le temps. Et l'éternité, c'est un temps inépuisable, qui ne dure plus. Or, en fait, peut-être qu'il faudrait l'imaginer comme l'absence de ces dimensions, l'éternité. Mais si on n'arrive pas à l'imaginer, non. Notre imagination n'est pas apte. Elle n'est pas apte. Ouais. On ne peut pas s'en passer, de se passer du temps. C'est ce qu'il dit aussi, également, à un certain moment. Donc, en fait, on en était où? On était au... Sur nihilisme, alors justement. Au nihilisme, oui précisément. Vous dites, c'est pas... Alors, lui-même disait, je ne suis pas nihiliste, je suis négateur. Comment vous distinguez les deux? Comment vous comprenez ça? En fait, Seurat a un peu peur qu'on lui attribue des positions politiques, je crois. Parce qu'il dit, oh, les nihilistes sont ceux qui foutent tout par terre, qui font des crimes, qui posent des bombes, etc. Ça, c'est parce qu'il a beaucoup lu Dostoïevski. Oui, et puis il était un peu au courant des mouvements nihilistes, anarchistes de la Russie tsariste. Il était aussi au courant de ça. Et même dans l'Est, il y avait des mouvements assez importants. Donc, il veut dire précisément que sa position se situe sur un discours qui est un discours plus ou moins, disons, théorique. Voilà, même s'il est ressenti de manière viscérale. C'est pour ça que la négation, et ça peut être sanglotante. Voilà, et d'où cette importance de dire non. Dès le texte que j'ai lu en début d'émission, il disait « j'ai traîné tous les oui dans la boue ». C'est une phrase qui aurait pu être écrite par Baudelaire. Hein. Oui. Et il insiste beaucoup sur l'importance du non, de la négation, de son envie en fait de nier ce qui existe. En fait, c'est ce que vous disiez avant. Il va même jusqu'à dire, et c'est des phrases qui ne manquent pas d'humour, hein, que parfois il va dans la rue et il se rend compte qu'il a envie de tuer tout le monde, de détruire le monde, et dit « bien sûr ». En imagination, oui, mais on sent cet accès de... Oui. Alors là, c'est plus que de la négation, c'est de la fureur destructrice. Tout à fait, tout à fait. Alors oui, effectivement, ils mettent en rapport la négation avec la destruction. Et avec son désir, c'est quoi la négation ? C'est faire en sorte, disons, que quelque chose qui existe n'existe plus. Or là, c'est l'acte destructif lui-même qui est présent. Il a un passage extrêmement drôle où, pour moi, il est très très amusant, où il parle de son désir de voir le soleil exploser, s'émietter, se réduire à néant, etc. Il dit bon, en attendant ce moment, avec quel espoir je contemple les couchants. Alors, j'ai cité approximativement, évidemment, mais c'est-à-dire que ce qu'il fait là, c'est une sorte de superposition de deux postures, de celle du négateur qui espère assister à la destruction du monde, et de celle d'un spectateur, d'un spectacle qui a de quelque chose qui a une valeur esthétique. Mmh. Quand il regarde le couchant, on ne peut regarder le couchant qu'en étant un peu mélancolique et en subissant une mélancolie douce, rêveuse, si vous voulez, qui peut suggérer la fin de la vie, je ne sais pas. De toute façon, il y a quelque chose de romantique dans cette représentation. Mais c'est-à-dire que cet espoir de fin du monde et l'image de la contemplation d'un tableau esthétique, c'est inadéquat. Et là aussi, là encore, il y a un peu d'ironie, à mon avis. D'ailleurs, sur le soleil, parce qu'il revient beaucoup sur cet exemple du soleil, il écrit également « Le soleil, vous l'avez cité tout à l'heure, mais voici la citation exacte. Oui. « Le soleil m'a toujours incité à repenser ce monde et à susciter en moi des crises de mélancolie parfois insoutenables. Mes ténèbres m'empêchent de me mettre à l'unisson avec la splendeur environnante. Du choc entre ce que je ressens et ce que je vois naît cette humeur noire et tout ce qui en résulte. L'été est la saison des grandes impossibilités. » Le soleil est fournisseur en idées noires. Rien n'invite tant à la mélancolie qu'un paysage anéanti par la lumière, fuir les étés comme la peste. Ouais. Il veut aller jusqu'à c'est extraordinaire, fuir. C'est n'est-ce pas? Incroyable. Vous savez, dans le Bleuvière des vaincus, il est très content de se trouver à Paris et il décrit le ciel parisien. Et il dit, qu'est-ce que c'est que le ciel de Paris? C'est l'impossibilité d'être bleu. D'être bleu? Oui. Parce qu'il y a toujours des nuages. Parce que il aime les nuages, il adore les nuages. Un peu comme Baudelaire, vous savez, ouais. Comme l'étranger qui regarde au loin les nuages qui passent et qui sont la seule chose qui compte pour lui. Voilà. Mais là aussi, on peut se demander si ce soleil qui apporte la lumière n'est pas en fait le contraste parfait du soleil noir de la mélancolie et qui gouverne l'existence du mélancolique. Ce soleil noir, ça devrait être la planète Saturne, celle qui rayonne d'une lumière obscurcissante. Paradoxe, n'est-ce pas? Mais qui est l'astre qui gouverne la mélancolie, en fait. et qui a un pouvoir particulier au-delà du Moyen Âge, notamment à la Renaissance, celui d'élever la pensée du mélancolique en des sphères où les autres humains ne peuvent pas avoir accès. Voilà. D'où, de nouveau, l'émergence du génie, du mélancolique qui philosophe, qui réfléchit sur le monde, sur le sens de la vie, sur la souffrance, etc. Et qui est capable d'aller au-delà de ce qu'on peut imaginer habituellement. Parmi ces philosophes qui se nourrissent de la mélancolie, on en trouve un qui a beaucoup de points communs avec Cioran, une sorte d'existentialisme mélancolique, qui a beaucoup pensé l'ironie, le rire, et qui lui-même voit dans la mélancolie et la tromperie deux revers d'un même masque, le mélancolique intime et la tromperie. Eh bien, en société, il s'agit de Kierkegaard. Écoutez le texte. Ma nature est mélancolie, c'est vrai. Mais elle a son origine dans une puissance qui, malgré cela, me donna pourtant aussi une consolation. Il y a des animaux qui ne sont que mal armés contre leurs ennemis, et à qui la nature a fait cadeau de la ruse, grâce à laquelle ils peuvent se sauver malgré tout. Cette ruse m'a également été accordée, la puissance de la ruse, qui me rend aussi fort que n'importe quel homme avec qui j'ai mesuré ma force. Ma ruse consiste en ma capacité de cacher ma mélancolie. Aussi profonde que ma mélancolie, aussi rusée est ma tromperie. Il ne s'agit pas là d'une idée légère. Je m'y suis entraîné et je m'y entraîne tous les jours. Je suis entraîné depuis ma prime jeunesse. Depuis que je l'ai vue et que je suis devenu amoureux, j'ai procédé aux exercices les plus fatigants avant qu'il puisse être question de prendre une résolution. À n'importe quelle heure du jour, je peux me dévêtir de ma mélancolie, ou plutôt me revêtir de la tromperie, mais, en présence des autres, la mélancolie ne cesse pas de me guetter. Si quelqu'un est là, qui que ce soit, je ne suis jamais exactement tel que je suis. Si, à un moment d'inattention, je suis pris au dépourvu, je peux, en parlant, extorquer cette impression en moins d'une demi-heure à n'importe laquelle de mes connaissances. Ma tromperie ne consiste pas en une gaieté folle. Par rapport à la mélancolie, une telle gaieté est la tromperie de la nature même, et c'est pourquoi elle vous rendrait justement suspect aux yeux même d'un observateur médiocre. La plus sûre tromperie est le bon sens, la réflexion libre de passion et, avant tout, un visage sincère et une nature franche. Vous nous avez fait découvrir des chefs-d'œuvre, Constantin Zaharia, des trésors de textes, entre le premier texte de Cioran, que nous avons entendu tout à l'heure, donc un inédit non publié, et celui-ci de Kierkegaard, dont j'ignorais l'existence, qu'on trouve sur les étapes sur le chemin de la vie, hein, l'ouvrage de Kierkegaard, qui date de 1845, où les échos semblent troublants entre ces deux penseurs. Il dit lui aussi qu'il fait un lien entre la mélancolie et l'amour, et il introduit un élément supplémentaire qui est la vie en société. Et il montre bien que pour vivre en société, on doit parfois revêtir une sorte de masque, ce qu'il appelle la ruse ou la tromperie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a une pudeur du mélancolique qui l'empêche de se montrer tel qu'il est. Le mélancolique qui porte une douleur le plus souvent insoutenable l'assume pour lui-même, mais il ne peut pas la partager. Parce que il y a différentes raisons. Parce que le monde ne marche pas comme ça, ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas se montrer tel qu'on est, tout en sachant que à ce moment-là, on devient complètement vulnérable aux yeux des autres. Et donc, il y a différents masques que le mélancolique peut porter. Et celui dont parle Kierkegaard ici, consiste exactement en ce qu'il appelle visage sincère et nature franche. Donc, il y a une sorte de sincérité qui et de franchise, si vous voulez, qui définit la posture de Kierkegaard en société à l'égard des autres. D'autres fois, il parle aussi de gaieté, hein, oui, parce que dans le journal, comme c'était une faiblesse. Oui, mais il parle aussi du fait qu'il est un certain moment dans la société où il brille, où il fait des traits d'esprit, où tout le monde est content de ce qu'il dit, etc. Et en rentrant, dit-il, et là je tire un rayon aussi long que le rayon terrestre, j'avais une seule envie, celle de me mettre une balle dans la tête. Mais ça, c'est ce que vous aviez dit chez Sioran aussi, il y a une grande dureté de ces personnes envers elles-mêmes. Oui. Il faut se faire payer, oui, d'avoir été gai, d'avoir été joyeux, d'avoir, oui, brillé en société. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que je reviens là tout de suite, si vous voulez, parce que je crois qu'il y a quelque chose à dire au sujet de Sioran vis-à-vis de la position de... Allez-y, ce qu'il nous reste 2 minutes. Parce que si, étonnant que cela puisse paraître, Sioran est lui aussi dans la même posture. Il dit... Je joue dans le monde le brave type. L'affabilité est mon masque. Il est vrai que j'en ai assez d'être sinistre, ce que je suis toujours quand je reste seul. Mmh. Voilà. Donc il est sinistre, c'est-à-dire, il a pris la voie gauche. Il a pris la mauvaise voie. Sinistre, n'est-ce pas? Il est du côté de la mélancolie. Mais en société, il est affable. Et, comme nombre de témoignages, il est gai aussi, il est gai également. Alors, le problème que vous évoquiez tout à l'heure... Oui. Juste... C'est pas de la culpabilité, alors c'est pourquoi cette dureté non, envers eux-mêmes? Non, c'est la haine de soi. Oui. C'est la haine de soi. Le mélancolique est quelqu'un qui se hait. Et ça, c'est Freud qui l'a montré très bien dans son article de 1917, Deuil et mélancolie, où il fait un parallèle entre le deuil et la mélancolie en disant que le deuil suppose la perte d'un être cher dont on peut s'en sortir en suivant une sorte de rituel qui permet à la personne qui a perdu cela de se mettre à l'épreuve de la réalité et d'accepter ce départ, cette séparation, alors que le mélancolique n'est pas capable de ça. Mmh. Et à ce moment-là, toute l'énergie, si vous voulez, toute l'énergie de l'esprit du mélancolique se tourne contre lui-même. On va se quitter avec une chanson qui est plus du côté de la nostalgie, mais qui est une chanson qu'adorait Sioran. Là encore, c'est votre suggestion. Quelle est cette chanson? Vous voulez nous en dire 2 mots très rapidement, hein, pour qu'on puisse écouter. Those were the ways, the days. The days. De Mary Hopkins. Ouais. Et donc, il l'a chantée à tue-tête, c'est ça? Il adorait cette chanson? Il l'a chantée, non, mais il entrait dans les bistrots, et il cherchait, dans les appareils, cette mélodie qu'il voulait entendre. Alors, on l'écoute? Voilà. Oui. La voici. Dance forever and a day. Merci infiniment, Constantin Zaharia. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment, c'est un plaisir de vous entendre parler de Suran. Continuez à nous faire découvrir ces trésors, ces textes. On fera ce qu'on peut pour qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Je vous remercie. Puis alors, revenez quand vous voulez nous parler de Suran ou d'autres choses. Merci. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on passe de Mary Hopkins à Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je vous demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Pour votre question philo du jour, vous soulevez un point qui aurait peut-être inquiété Suran d'ailleurs. Est-ce la fin du quartier latin ? Eh bien, il y a dans Fermina Marquez, le beau roman de Larbeau sur les amours adolescentes, un collégien qui rêve de restaurer l'Empire romain et de refaire parler toute l'Europe en latin. Cruelle, indifférente, Fermina Marquez se détourne à cet instant de lui, et le mépris de Fermina pour ce petit cuistre, c'est aussi celui de la modernité qui n'a plus rien à faire de ses vieilleries. Le propre du latin, ce n'est pas d'être une langue morte, c'est de mourir toujours. J'en ai fait autrefois en quatrième dans le classique « Invitation au latin » des éditions Magnard. Dido erat reginas, ça commençait comme ça. Didon était la reine et puis ça continuait. Les informations tombaient au goutte à goutte. C'était une grande reine qui régnait sur Carthage. Aîné tombait amoureux, mais il l'abandonnait pour aller refonder Troie en Italie. La suite était bien sûr éblouissante. J'ai ainsi fait du latin autrefois, j'ai traduit des passages simplifiés de Tite-Live, mais je ne suis pas certain que mes enfants en feront à leur tour. Et cela voudrait donc dire que ma famille serait le tombeau de la langue latine. Et ça vous rend triste ? Bah, je ne sais pas en fait. Ça me rappelle, il y a quelques années, à l'apogée du mythe, un peu décadent maintenant, de la start-up, quand on voulait que les enfants se mettent au code dès l'école maternelle. C'était une idée aussi résolument moderne qu'absolument archaïque, la même qui avait conduit autant d'enfants à pleurer devant des tableaux de déclinaison et des listes de vocabulaire. L'idée que le latin, en apparence inutile, était le code source de notre civilisation et que sa maîtrise était la clé de tout. Le latin, ainsi, n'était pas tout à fait une langue morte, c'était la langue maternelle des héritiers. Et ce n'est pas comme ça que j'ai envie d'éduquer mes enfants. Je tiens en revanche à ce qu'ils aient, pour rester dans le domaine du code, une culture minimale en jeux vidéo. J'y attache vraiment beaucoup de prix. Il est là le véritable Pompéi de ma jeunesse, la fresque en trompe-l'œil qui apparaissait sur la couverture de mon manuel de latin. Pour eux, ce sera le château de Peach. Et qu'ils connaissent par cœur le cheat code qui permet de faire apparaître l'hélicoptère dans GTA V, cela vaut pour moi toutes les déclinaisons du monde. On a les antiquités qu'on mérite. Donc c'est sans regret que vous verriez le latin disparaître ? Si un regret quand même, un regret d'ordre géographique, celui de la disparition inéluctable du quartier latin, de l'arasement de la montagne Sainte-Geneviève qui vient, avec la fermeture des librairies Gibert de la place Saint-Michel, de perdre ses propylées. Mais vous pensez vraiment que c'est la fin du quartier latin ? Bah, j'ai déjà connu la fermeture des Puffs, place de la Sorbonne, là où il ne reste plus que Vrin, la librairie philosophique, et même si je n'y vais presque jamais, car autant d'intelligence m'angoisse horriblement, si jamais elle ferme, je crois que je ne pourrais pas rester à Paris, ça serait vraiment la fin. Je continue, en attendant, à fréquenter en face le Gibert amiral, le survivant Gibert Joseph, et non pas jeune, Gibert bleu et non pas jaune, mais qui se souvient encore des rivalités oubliées entre les deux branches familiales, qui se souvient aussi, sur les sacs en plastique jaune du Gibert d'en bas, de cette tête d'étudiant à cheveux longs et en chemise, dont j'ai toujours pensé qu'il parlait le latin couramment, et qui n'est pas pour rien dans ma décision juvénile de venir habiter à Paris en espérant, mi Rubempré, mi Rastignac, mériter de lui ressembler un peu. Moi, le cancre à qui il était arrivé secrètement de faire des versions latines et d'y trouver plus de plaisir que j'en avais eu à finir les tableaux à la Hubert Robert des premiers Mario. Je vais tenter quand même, finalement, de faire un peu de latin à mes enfants. Eh bien, vous nous tiendrez au courant. Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, chaque semaine à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier en compagnie de Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Laurence Malonda ont réalisé pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Jacques Azubert, à la lecture des textes, Denis Podalydès. On se retrouve demain pour les Chemins du Vendredi, cours particulier, demain en compagnie de Yann Blanc. On pénétrera dans l'atelier des artistes et des historiens de l'art, au programme notamment Rembrandt, Vermeer et les coulisses de fabrication de ce métier qu'est historien de l'art. D'ici là, vous pouvez réécouter ces émissions sur Sioran en téléchargeant l'application Radio France, par exemple, qui vous permet d'écouter les émissions où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.